Chapitre 28. Complot au Venezuela. S'il est un terrain sur lequel bien des professionnels du renseignement soupçonnent la CIA d'avoir renoué avec ses vieux démons, à savoir les tentatives de coup d'État, c'est sans doute le Venezuela. Le régime bolivariste autoritaire d'Hugo Chavez, puis de Nicolas Maduro, a été perçu depuis l'origine à Washington comme crypto-marxiste et anti-américain, à la fois par les démocrates et les républicains. Toute la question est de savoir quelle a été l'implication américaine dans les attaques réelles subies ces 20 dernières années par le régime. En 2002 déjà, Hugo Chavez a essuyé une tentative de putsch à laquelle l'administration Bush n'était sans doute pas étrangère. Qui veut la peau de Chavez? Une des difficultés pour l'historien qui se penche sur ce dossier est que les auteurs qui l'ont déjà traité sont extrêmement polarisés entre partisans inconditionnels de Chavez et critiques aveugles. Or, notre propos n'est pas ici de juger des qualités ou défauts du régime, mais de rester au plus près des faits pour évaluer l'implication éventuelle des agences de renseignement et administrations américaines dans les soubresauts politiques du pays ces dernières décennies. Chavez lui-même a tenté en 1992 de prendre le pouvoir par la force. Le 4 février de cette année, à la tête de 200 militaires, il tentait de renverser l'impopulaire président Carlos Andrés Pérez. Le putsch échoua et Chavez passa 2 ans en prison avant d'être gracié. C'est grâce à une élection régulière qu'il devint président en février 1999. Il mit en œuvre une politique présentée comme une révolution bolivarienne, en référence au général vénézuélien Simon Bolivar, grand émancipateur de nations sud-américaines au XIXe siècle. L'objectif assumé était de libérer le pays de l'impérialisme américain, ce qui se traduisit notamment par la nationalisation de l'industrie pétrolière et la fourniture à prix préférentiel d'hydrocarbures à des pays pauvres alliés comme Haïti, Cuba, la Bolivie et l'Équateur. En 2013, la Banque mondiale reconnut que le Venezuela avait accompli de grands progrès pour réduire la pauvreté dans sa population. Mais le développement du pays reposait beaucoup sur l'exploitation pétrolière, ce qui le rendait vulnérable aux fluctuations des cours du pétrole. Le 11 avril 2002, Hugo Chavez fut victime d'un putsch et emprisonné pendant 48 heures. Le gouvernement tentait alors de renforcer son contrôle sur la compagnie pétrolière d'État PDVSA, dont il venait de destituer 6 cadres dirigeants jugés déloyaux. En réaction, une grève générale avait été déclenchée en décembre 2001 et pendant les premiers mois de 2002, plusieurs officiers supérieurs appelèrent Chavez à démissionner. Le 11 avril, une manifestation de l'opposition soutenue par des grands médias privés se dirigea vers le palais présidentiel. Des affrontements violents opposèrent les manifestants à des partisans de Chavez, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés. Le palais présidentiel fut envahi, puis repris. La loyauté d'une partie de l'armée et d'importantes manifestations populaires firent avorter le coup d'État. Un document déclassifié de la CIA établit que l'agence, dès le 11 mars, avait connaissance d'un projet de coup d'État. Des factions de militaires dissidents incluant des officiers supérieurs mécontents et un groupe de jeunes officiers radicaux intensifient leurs efforts pour organiser un coup d'État contre le président Chavez, peut-être dès ce mois. Les plans détaillés mentionnent l'arrestation de Chavez et d'autres hauts responsables. Ce n'est pas une preuve de participation au complot, mais cela montre à coup sûr une certaine familiarité avec les officiers en question. La présence d'un Américain parmi les putschistes, arrêté puis exfiltré, nourrit à coup sûr les fantasmes. Enfin, C'est le versement dans les mois qui précèdent de grosses sommes, environ 800 000 dollars, à des groupes d'opposition vénézuéliens par le National Endowment for Democracy qui attire l'attention. Cette ONG états-unienne a été utilisée par le passé pour financer des mouvements d'opposition tels que Solidarité en Pologne dans les années 1983-1989. On peut raisonnablement conclure que la CIA n'est pas montée en première ligne, mais qu'elle a suivi avec intérêt ce qui se tramait, peut-être même prodigué quelques conseils amicaux. Après la mort de Chavez en 2013, son dauphin Nicolas Maduro a pris le relais. Il est sans conteste moins charismatique et populaire que son mentor, ce qui donne des ailes à ses opposants, couvés par les États-Unis.